L'intégration du karma, un sujet qui est fascinant parce que ça touche tout le monde. Quand on parle de karma, on parle de quelque chose d'inexorable, quelque chose qui, comme le dit le mot destin, indique qu'on ne peut pas rien y changer, excepté que les gens ne connaissant pas le destiné ont l'impression d'avoir le choix dans la vie et donc conséquemment d'avoir à décider ou prendre des décisions qu'ils veulent évidemment le plus éclairé possible pour pouvoir réaliser leurs rêves, réaliser leur passé, réaliser finalement ce qui est un destin. On a les rêves de notre destin. On a les pensées de notre destin. On a les obligations de notre karma. On a les conséquences de tout ce qu'on a créé comme mouvement dans un temps donné, qui éventuellement a abouti dans une résultante qui est plus apparente et qui conséquemment vous oblige à ce moment-là à traiter d'une façon plus concrète des fameuses conséquences de simplement une vibration à un moment donné. Donc, vous pouvez être mis en vibration sur une idée, puis vous ne voyez pas ça possible. Un peu comme un enfant qui joue avec des petits jouets. Puis là, à un moment donné, il y a une fixation sur un camion de pompier. Mettons que c'est un petit gars, même une petite fille. Aujourd'hui, ça ne fait plus de différence. Et puis, il vibre beaucoup avec son jouet. Mais il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il vibre, il aime ça, c'est son jouet. Il couche avec, il dort avec. C'est sa vie, son jouet. Puis là, à un moment donné, il vit d'autres choses. Puis il en arrive à 17, 18, 20 ans. Et il commence à vouloir décider. Puis là, si on lui dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je sais pas, j'aimerais ça conduire des camions. Puis là, ça aboutit, curieusement, dans le goût d'être pompier, le goût de conduire des camions de pompier. Et puis là, il a la conséquence d'avoir vibré à l'âge de 4, 5, 6 ans, les camions. Et là, je vous le dis tout de suite, quand vous vibrez très jeune et très fortement quelque chose, vous avez une lecture de votre destinée. Les gens que vous allez rencontrer, les gens que vous allez marier, les gens avec lesquels vous allez vous associer, sont des résultantes de ce que vous avez vibré dans un temps X de votre vie. C'est pas que, à l'âge de 5 ans, on connaît le nom de la personne qu'on va rencontrer ou qu'on va marier ou qu'on va travailler avec. Non, c'est pas le nom de la personne. C'est le profil psychologique de la personne que vous allez vibrer, que vous dites, moi, j'aimerais donc ça vivre avec tel genre. J'aimerais donc ça telle affaire, puis telle affaire. Puis ça, dans l'expression de ce que vous avez comme attente, c'est toute là la lecture de votre destin. Votre destin est marqué là-dedans. Et là, comment ça va se passer? Ça dépend de l'équilibre entre vos pensées négatives et vos pensées positives. Vous allez être aussi proche que vos pensées positives de la personne ou de l'événement, et vous allez être aussi loin de cette même personne que les pensées négatives que vous avez vis-à-vis de cette personne-là. On sait très bien, et ça, cachez-vous-en pas, qu'on haït autant qu'on aime. OK? Parce que le karma, c'est basé sur la polarisation. Donc, il y a autant de forces négatives que de forces positives. Une personne que vous aimez, moi, quand quelqu'un me dit, moi, je t'aime bien gros, Daniel, ça veut dire qu'elle a une capacité de m'haïr écœurante. OK? Pourquoi? Parce que, en quelque part, je vais décevoir ses attentes. C'est inévitable, parce que je vis pas pour elle, moi. Elle vit dans une attente d'un profil psychologique pour ses besoins. On s'entend qu'on n'est pas avec les autres pour lui faire plaisir, là. On est avec les autres pour se faire plaisir. On va chercher les gens comme des ressources. On va chercher les gens pour nous donner quelque chose. L'être humain, c'est un animal très égocentrique. Il ne faut pas se le cacher. Ce qui veut dire que quand vous avez vibré à un moment donné un profil de vie, un mode de vie, un profil psychologique de personne, vous avez envoyé une lettre, puis il y a quelqu'un qui va recevoir, puis il y a quelqu'un qui va répondre à votre lettre. Il y a un événement qui va répondre à votre lettre. Il y a quelqu'un, un événement, un groupe de personnes, une condition de vie, un mode de vie qui va apparaître avec l'état d'âme que vous avez vibré. Vous haïssez beaucoup, vous allez avoir une vie à chier. Parce que tout le monde va vous haïr. Vous, c'est ça que vous avez commandé. Vous avez commandé avec de la haine. Donc, si vous commandez avec de la haine, vous allez recevoir en cadeau de la haine. Parce que le cadeau est demandé pour avoir de la haine. Vous avez dit, moi, j'haïs telle personne, moi, j'haïs telle affaire, j'haïs. Ça vous fait récolter de la haine. Vous aimez dominer, vous allez avoir des victimes autour de vous. Vous allez avoir dans votre esprit de domination des victimes autour de vous. Vous voulez changer votre attitude de dominateur, vous allez être victime d'un dominateur parce que vous avez vibré la domination et que vous voulez renverser. Renverser, ça veut dire que tu vas vivre ce que tu as fait vivre. C'est pas merveilleux la vie, hein? Extraordinaire. Donc, sachant tout ça, vous pouvez quasiment décider de ce que vous voulez vivre. Et pourtant, non. Pourquoi? Parce qu'il y a le fameux destin. Vous êtes fait de telle façon que ce que vous voulez être, c'est déjà marqué à votre naissance. Oh! Le gars, il a tous les trucs pour changer notre vie, puis on peut pas changer notre vie. Ah! On est une femme, on voudrait être un homme. Ah! Faut se réincarner. C'est-tu violent, tu penses? Vis donc ta vie de femme, puis pense que tous les avantages que l'homme a, puis tous les désavantages que l'homme a, peut-être tu vas être contente d'être une femme. Puis, en tout cas, si tu finis par penser que l'homme a des avantages, puis que tu voudrais vivre ça, inquiète-toi pas, tu vas te réincarner. La commande est passée, c'est juste que ça se passera pas dans ce vie-ci, ça va se passer dans une autre vie. C'est simple, hein? Vibrer, c'est vivre. Vibrer, c'est avoir tout ce qu'on vibre. Comme dans Matrix. Ouais, une pilule pour se réveiller. La pilule, c'est pour se réveiller. Dans Matrix, c'était pas pour avoir ce que tu veux, c'était pour te réveiller. Fait que, évidemment, c'est sûr que l'individu qui vit un karma, il a avantage à savoir qu'est-ce qu'il vit comme karma. Qu'est-ce qui est marqué pour vivre. Moi, dans ma programmation, j'ai une quadrature Uranus-Saturne. Ça veut dire le gars, il sauve du temps. Tout ce qu'il veut faire, il est retardé. J'ai checké jusqu'à mon arrière-grand-père, et mon arrière-grand-père du côté des Ménards avait Uranus, carré Saturne. Mon grand-père avait Uranus, carré Saturne. Mon père avait Uranus, carré Saturne. J'ai eu un doute que mon gars, c'était mon gars, puis quand j'ai vu que Uranus avait carré Saturne, ça, c'est mon gars. C'est tout le même karma. C'est du karma. Puis il y a une fille du Joe, j'ai checké, la carte de la petite fille, Uranus, carré Saturne. Fait que, quand vous avez ce qu'on appelle une chaîne karmique, vous avez conséquemment une sorte de code génétique qui est tout programmé par les planètes qui font qu'il y a une suite. Et là, ceux qui s'amusent avec l'astrologie, faites un arbre généalogique à du monde de leur chaîne karmique. Puis vous allez avoir même une bonne job. C'est une bonne job de faire ça. L'arbre généalogique de 10 générations pour savoir où ça casse. Tu sais, où ça peut casser, mettons. Parce que, définitivement, une personne qui vient au monde d'une famille, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et ça, quand on découvre dans la vie qu'il n'y a pas de hasard, on se dit, wow! On s'en sort comment? C'est la grosse, grosse question de tous les gens, c'est on s'en sort comment? Et puis j'ai observé dans ma vie, je regarde l'exemple mon gars qui était pris avec le même transit planétaire que moi, et puis je pense qu'il s'est libéré pas mal de l'effet de Uranus-Saturne, au même titre que moi, en allant au bout de l'expérience de ne pas attendre. Pas attendre, pour un gars comme nous autres, dans notre famille, c'est faire de la course. C'est faire de la compétition, c'est faire de la vitesse. C'est d'aller au bout de la vitesse, jusqu'à temps que tu pognes ta saturation. Moi, j'ai pris ma saturation à 58 ans, puis mon gars, il a pris, semble-t-il, qu'il m'a dit là, sa saturation à 33 ans. Il a fait de la compétition avec sa Porsche cette année, ils ont grimpé sa Porsche à 300 km/h sur une piste, un circuit fait pour ça, exactement. Puis, il dit, je me suis fait assez peur pour dire que j'ai été au bout. Si l'objectif était d'avoir peur, là, ben, il dit, là, j'ai ma dose. C'est vraiment, là, j'ai mon voyage. Donc, t'intègres où? T'intègres quand tu l'as vécu. T'intègres pas quand tu l'as pas vécu. Tu peux pas souffrir de sentiments de blocage, comme exemple ce transit-là, qui demande à une personne d'être extrêmement véloce. Véloce dans le sens d'avoir accès à une liberté dans la manœuvre de tes mouvements, et puis d'être toujours confronté à des limites de vitesse ou à des limites quelconques. Fait que lui, dans sa programmation, lui s'en fout de sa programmation, mais il vit, parce que je l'ai éduqué, c'est moi qui l'ai éduqué, il vit ce qui vibre. Fait qu'il agit sur tout ce qui vibre. Bon, comme il vibrait vitesse, parce que c'est de père en fils, ben, il a été vivre ça, au bout. Puis là, ben, ma poche est avant. Fait que ceux qui veulent avoir une poche montée pour la course, il faut en avoir une 50 000 pièces. Fait que la dynamique, donc, d'un individu dans sa vie, ça serait, idéalement, de connaître sa programmation le plus jeune possible pour savoir à quoi tu vas faire face. Malgré que si tu ne sais pas, ce n'est pas grave, tu vas le vivre pareil parce que, comme on dit, c'est un destin. Donc, l'idée de connaître ça, c'est juste que c'est plus facile de cibler pourquoi tu es poussé à faire quelque chose. Quand tu es poussé à faire des arts, de la musique ou quoi que ce soit, t'es quasiment condamné à être pauvre, à moins que tu réussisses d'une façon extraordinaire. Puis encore là, c'est marqué dans ton destin. Fait que, parce que joueur de guitare, excusez, moi j'ai essayé, là, puis j'ai trouvé qu'être astrologue, c'était plus payant que de jouer la guitare. Fait que j'ai lâché la guitare, puis je me suis en allé sur le blablabla. Puis même donner des séances de tir, d'initiation au tir, c'est un job de pauvre. Je travaille à 20$ de l'heure, puis encore moins que ça. Et puis, je fais ça, ben, j'ai une passion, ça ne durera pas indéfiniment, mais le temps que j'en ai une, je vais le vivre. Mais c'est comme j'ai ça dans le corps. Je le vibre, donc je le fais. Excepté que pour me neutraliser dans cette vibration d'arme-là, je me fais accompagner parce que les gens, ils absorbent mon feu en venant tirer. Moi, ce que j'aime, dans le fond, c'est la réaction des gens quand ils tirent. Quand je fais tirer une femme, là, puis que ça. C'est à 308, ou comme Michelin, c'est à 210 WSM. Là. Ça pète en maudit. Puis j'y regarde la binette, là, 69 ans, puis elle te fait un gros « Wow! » C'est vrai que c'est un orgasme qu'elle vient de vivre là, c'est hallucinant, tu sais. Fait que ça, j'aime ça. C'est ça que j'aime. C'est donc que dans mon destin, j'ai vraiment l'affaire de la formation puis du développement poussé à fond. Tu sais, je suis verso. Le verso puis le développement, ça va ensemble. Donc, je prends ma destinée de développeur, je suis un développeur né, et que je fasse n'importe quoi, du go-kart, de la moto, n'importe quoi, je vais devenir développeur, c'est dans ma destinée. Fait que je prends les armes, puis j'emmène les gens vivre quelque chose de réellement particulier. Écoutez, allez voir un film, là, puis s'il n'y a pas de gun, c'est plate. Hein? T'as une grosse impression, les guns. Tu regardes la police, puis tu regardes pas ici la police, tu regardes la ceinture. Ben là, les femmes, ça dépend. Hein. Mais quand une femme regarde la ceinture d'un policier ou un gars regarde la ceinture d'un policier, absolument, c'est pour regarder le gars. Fait qu'il y a dans l'esprit populaire une impression qui est très forte. Le policier, lui, c'est son destin d'avoir un gun. Pour quelqu'un comme vous autres, c'est une impression. Moi, je dis aux gens, je suis un développeur, je vais vous libérer d'une impression qui est très forte dans la société, qui est les armes. Les gens viennent vivre l'impression, ils n'en feront pas une vie. Ils n'ont même pas besoin de s'équiper à 2000$. Ils vont simplement venir 4-5 fois tirer, puis ils vont s'être libérés de l'impression. Ceux qui, eux autres, ça marque, là, vraiment, eux autres, ils vont continuer là-dedans, parce que ça peut devenir un sport intéressant qui remplace le billard, qui remplace le macramé, qui remplace aller jouer dans les fleurs, puis attendre qu'ils poussent. Tu sais? Moi, personnellement, quand j'ai tiré une balle, habituellement, quelques secondes après, je peux voir le trou. Tandis que si je plante une fleur, ça me prend une couple de mois avant de voir ce que ça donne. T'sais? Pas de même rythme. Moi, j'ai Uranus, Carré, Saturne. Faut que quand je mette la carotte dans la terre, que je la voie prête à manger le soir. C'est mon destin. On s'entend que c'est pas le même rythme. Mais j'apprécie beaucoup les gens qui font des bons petits plats quand tu m'invites, 3 mois après, qui ont semé. C'est très bien. Mais il faut comprendre que chacun a sa destinée, que tout le monde n'est pas sur le même frame, puis que chaque individu a quelque chose à vivre qui est obligatoire. Et quand vous regardez la somme de vos obligations dans la vie, c'est ce qui, en général, vous entraîne dans des grandes tensions de vie, dans des conflits existentiels à n'en plus finir, et puis qui vous demande à un certain moment donné de comprendre c'est quoi un destin. Un destin, c'est une somme de contrats qui ont été pris au cours des vies antérieures avec des individus, mais il faut toujours regarder un individu comme un événement. Donc, vous étiez dans un événement ensemble, je parle de vous et l'individu, vous avez interprété une certaine information avec les courants culturels de l'époque, avec l'éducation de vos parents de l'époque, et vous avez inévitablement pas fini le travail. Vous avez vécu quelque chose, mais il n'y a pas eu le niveau de conscience, on va dire, voulu pour que ça soit final. Donc, c'était pas parfaitement intégré. Tout ce qui s'intègre dans une vie ne se reporte pas dans la prochaine vie. Donc, c'est un peu comme le sirop. C'est l'évaporation de l'eau d'érable qui finit par aboutir dans une pinte de sirop. Sirop d'érable. Dans les vies qu'on a antérieures, on se fait bouillir pour se faire évaporer. Et là, plus on évapore, plus on arrive dans l'eau de vie un petit peu plus dense. Moi, je suis sur le bord du pain de sucre. Donc, c'est évident que cette densité-là que vous prenez, c'est ce qu'on appelle votre niveau de conscience. Rendu au stage du pain de sucre, vous êtes des initiés. C'est pas quelque chose qu'on veut devenir initié. Ceux qui veulent devenir des initiés, c'est que vous êtes vraiment des adeptes, parce que vous savez pas ce qui est à payer pour être initié. Parce qu'un initié veut pas vivre une vie d'initié. C'est ridicule. Trop dur. Ben, c'est trop dur. C'est ton destin, tu sais. Fait que t'es bâti pour le faire, puis t'as les outils, puis t'as le style de vie qui va avec ça. Mais d'une façon générale, c'est quand t'es rendu au pain de sucre, tu rêves du temps où t'étais de l'eau d'érable. Donc, tu veux te faire diluer parce que t'es rendu très dense. Tandis que l'eau d'érable pense que c'est meilleur d'être un pain de sucre et vise d'une façon à vivre sa vie d'une façon ascendante. Et c'est ce qu'on appelle la spiritualisation. Quand t'es spirituel, tout ce que tu cherches à faire dans la vie, c'est de t'évaporer. Parce que tu veux te densifier. Une personne qui s'évapore, ben, c'est de la petite fumée qui sort tout le temps de son être et puis qui lui donne une sensation d'élévation. Alors que ce qui s'élève, c'est la vapeur qui ne sera pas récupérée autre que par la nature. Et ce qui va te rester, c'est la densité de l'intégration de ton expérience karmique. Vous comprenez à ce moment-là que d'être spirituel, que d'être dans le monde des idées, c'est une période temporaire pour vous densifier parce que tout ce que vous pensez, tout ce que vous amenez au niveau de l'idée doit être agi. Et si vous ne l'agissez pas dans la vie que vous pensez, vous allez avoir à la vivre dans une autre vie sans penser, juste dans l'action. Oui, il y a du monde, des fois, il ne pense pas, lui. On dirait que, tu sais, il n'est qu'une raquette de tennis, puis tout ce qu'il fait, c'est de taper des balles, puis on dirait qu'il ne pense pas. C'est sûr, parce que dans une autre vie, il y a du penser à quelque chose, du genre taper sur une roche ou taper sur quelque chose, puis ça a eu comme conséquence de le faire champion de tennis dans cette vie-ci, mais il ne pense pas d'autre chose que faire du tennis. Comprenez la procédure? De l'intégration, c'est de la densification de l'esprit en idée, en action. Ça passe de la vibration, qui est l'esprit, ça s'en va dans l'âme, qui est une polarité. Tu vis du bien, du mal, du bien, du mal. Fait que ça crée des effets de concentration. Puis là, éventuellement, tout ce qui est mal te donne de la densité et tout ce qui est du bien t'emmène à un processus d'élévation. Là, cette combinaison-là, quand c'est très structuré dans la pensée, ça lui reste simplement à être agi. Et quand c'est agi, bien là, c'est intégré. Mais tout ce qui n'est pas agi et qui est pensé doit être intégré. Tout ce qui est pensé, qui n'est pas agi, demande à être intégré. Donc, qui demande à être placé dans un processus de réalisation. Bon, je te donne ton exemple à toi. T'es mannequin, tu pars une agence de mannequin, et tout ce que tu n'as pas vécu comme mannequin que tu aurais voulu vivre, tu vas être obligé de le transférer à des gens qui vont finaliser à un moment donné ton vouloir être telle chose. Tu as voulu être quelque chose à un moment donné, tu sais, faire du cinéma aussi ou ça. Puis là, curieusement, ton agence de mannequin se tourne toujours vers le cinéma. Ça, c'est la partie que tu as pensé, mais que tu n'as pas agi, qui est obligé de se vivre dans une action avec des gens qui vont le faire à ta place. C'est comme tes enfants. Une mère a des enfants, un père a des enfants. L'enfant, moi j'ai étudié en administration, j'ai étudié en marketing, et aujourd'hui, ce que j'ai pas fait, parce que je suis devenu astrologue, ce que j'ai pas fait, c'est mon fils qui le fait. Lui, c'est un champion de marketing, puis c'est un... J'allais aimer ça, les systèmes de son. Ben, je voulais être musicien quand j'étais jeune. Puis lui, ben, il est dans la musique, le son, c'est ma belle-là. Fait que lui, il fait ce que j'ai pas pu faire, mais que j'ai fortement vibré pour faire. Puis comme je voulais le faire fortement, ben, c'est mon gars qui le fait pour prendre comme la suite de ce que j'ai pas fait. Comprenez-vous? Lui, il permet à la chaîne karmique d'intégrer une dimension. Et puis, lui permet à ses enfants futurs de pas avoir à vivre l'obstruction qu'il y avait par rapport à ça. C'est par rapport au fait que moi, je pouvais pas le faire. Je pouvais pas faire deux jobs à la fois. Je pouvais pas être à la fois musicien et être astrologue. C'est un non-sens. Mais, tu sais, dans la musique, j'ai été chanteur. Et comme chanter, pour moi, c'était de répéter. La mémoire, c'était pas fort. Aujourd'hui, pas avoir de mémoire, c'est pas un handicap. Pour moi, il faut pas de mémoire pour faire ce que je fais. Et puis, je continue à chanter. Puis, ça a l'air que le show est pas assez fort pour faire la place des arts, mais il est assez intéressant pour garder les gens écouter la même tune à la Elvis Presley longtemps. Tout simplement, ouais, en improvisant en plus. Donc, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que de l'intégration, c'est de la mise en opération de ce qui a été vibré et pensé. Quand vous pensez quelque chose fortement et longuement, au point d'en le vivre d'une façon obsessionnelle, c'est que c'est inscrit dans votre destin, et c'est inscrit au point que l'esprit s'occupe de vous le faire vibrer pour que ça s'actualise. Tandis que vous pouvez facilement avoir d'autres pensées qui sont simplement des éléments de décorum dans votre vie, comme si votre mémoire de d'autres vies, comme moi j'ai déjà été samouraï d'une autre vie, j'ai eu longtemps une attirance pour les katanas, ces choses-là. Et probablement que mon intérêt pour les armes vient également de certaines expériences avec la guerre, là, ces choses-là. Et puis, mais c'est pas au stage d'être exemple militaire, c'est pas au stage de faire des arts martiaux. J'en ai fait des arts martiaux. J'avais une compétence naturelle face à ça, mais j'avais pas l'instinct de comment je pourrais appeler ça, de m'investir dans le mode de vie qui allait avec les arts martiaux. Comprenez-vous? Donc, c'est une étape qui avait été intégrée suffisamment dans une autre vie. Et tout ça, ces points-là, les chutes, hein, ça c'est une expérience que probablement j'ai ramassée en Espagne, dans le temps de la peste bubonique, j'étais médecin à cette époque-là. Et puis probablement que les chutes, c'est un gros facteur de relaxation que j'avais quand j'avais fini de m'occuper des malades. Et ça s'appelle des gâteaux en espagnol. Et puis, j'aime beaucoup le gâteau. Donc, j'aime beaucoup les chats. Et puis, les chats, c'est devenu comme mes accompagnateurs. C'est des chats. Puis, si je n'intègre pas ça dans cette vie-ci, c'est-à-dire d'être capable de vivre avec des chats ou vivre pas de chats, si je ne l'intègre pas, donc si je suis capable de vivre pas de chats, je vais l'avoir intégré. Parce que là, pour l'instant, je ne suis pas capable de vivre pas de chats. Vous me suivez? Fait que les affaires qu'il vous faut, qui sont essentielles, ça fait partie de votre karma à intégrer. Puis, les choses que vous pouvez vous détacher éventuellement, comme là, je me suis détaché de la moto. Hier, j'ai renouvelé mon permis de conduire. Puis j'ai fait enlever le droit de conduire une moto. Ouais. J'ai 3 ans pour changer d'idée. Mais je pense que j'ai fait mon temps. Tu sais. Fait que j'ai fait enlever ça. Fait que là, j'ai plus le droit de conduire une moto. Fait que si je n'ai pas envie de chier, ben là, il faut que j'aille au bureau de licence, faire remettre ça, et puis tout le kit. Donc, ce que je vous fais dire, ce que je vous fais voir là-dedans, c'est que je pense que le fait que je ne vibre plus pour faire de la moto, ça fait que je ne ferai plus de moto. Mais pour le plan psychologique, c'est comme genre, je l'ai fait. Mais pour le plan occulte, c'est comme, j'ai traversé ça. La vitesse, là, j'en ai assez fait. C'est sûr que je suis capable d'apprécier les gens qui font de la compétition, qui font de la course, ces choses-là, mais ça ne m'allume plus. Mais quand vous êtes plus allumé par une expérience que vous avez fortement vibrée, vous avez intégré. Le processus d'intégration, c'est une sorte de processus de saturation. Vous êtes comme saturé d'une façon d'être ou d'une façon de vivre. J'étais plaigneur, je me plaignais. J'étais pas plaigneur, j'étais plaignant. J'étais plein, un gars qui se plaint. J'étais, il y a peut-être 10-15 ans. À cette heure, quand je sens une plainte, je me choque, je pique une colère. Je dis non. Je commençais pas à penser que c'est pas bon. Vous voulez me mettre, là je parle aux forces, vous voulez me mettre un obstacle? OK! Amenez-en des obstacles. Puis là, c'est comme la guerre commence avec l'obstacle. C'est pas la guerre avec les individus, c'est la guerre contre l'obstacle. Puis, j'ai vu que c'était plus facile d'intégrer quand on se battait contre une vibration ou avec une vibration ou avec ce qui engendre, à cause de la vibration, un obstacle. Donc, ma vie a changé, moi, quand j'ai commencé à arrêter de dire que je subissais, puis que j'ai commencé à parler comme « Ah, wow, on me donne un obstacle. Il va en avoir un qui va me tuer. Il y a un obstacle qui va finir par m'avoir. Je vais tomber malade, je vais mourir. » Mais tout le reste de ma vie, j'ai décidé, en me levant le matin, que s'il y avait des obstacles, c'était ça que je m'occupais. Éliminer l'obstacle. Il y a juste ça, des obstacles dans la vie. Fait, tu te bats contre des obstacles, les obstacles. Mais c'est le fun. Parce que là, c'est un challenge comme jouer au dehors. C'est un challenge comme tirer une balle dans le même trou à une cible à 200 verges. Ça devient un challenge. Plutôt que devenir de la plainte. J'ai vu du monde dans mes amis mourir parce qu'ils se plaignaient. Moi, j'ai décidé de mourir debout, pas mourir à l'horizontale. Je veux être capable, dans la prochaine vie, de ne pas avoir la merde que j'ai dans celle-ci. Qu'est-ce que moi, être riche la prochaine? Que? Donc, de l'intégration, c'est premièrement arrêter de se plaindre et faire face. Premièrement, arrêter de se plaindre. Écoutez le monde. Ils ont de l'air d'un diesel à moins 30 qui a de la misère à partir. Là, sa batterie t'avait le lâché, là. Hein? Là, mon c'est. Hey, ça dit tout, cela, là. Tu brûles ta batterie à pas partir. Pardon. Ou attends l'été. Chris. Tu sais, fais quelque chose. Eh non, ça chiale. Mets-toi en un à gaz, chauffe ton moteur, saute dessus, brise le char, faites quoi? Tu sais? Et non, les gens se plaignent. Ah, oh, pas capable. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu sais? Mané, tu te lèves le matin, tu dis, hey Chris, là, ça va décoller, là. Tu sais, si je fais un téléphone, puis que le gars me dit non au téléphone, je vais me recoucher, Chris. Puis je me relève dans une demi-heure, puis là, le prochain téléphone, il faut que ça dise oui. Le prochain téléphone, ça dit oui, tu restes debout. Ça te dit non encore, va te recoucher. Ta journée va commencer. Faut que ça commence avec « ça marche ». Faut pas que ça commence avec « ça marche pas ». Hein? Tu peux pas intégrer avec de l'obstacle, puis de l'obstacle, puis de l'obstacle. T'intègres avec « je finalise, je finalise, je finalise ». J'agis, il se passe quelque chose. J'agis, il se passe quelque chose. Tu vibres, tu vibres. Tu sais, vibrer, là, c'est pas passif, là. Vibrer, c'est « wow, je le fais ». Je ne sais pas où m'en sortir, ce CD. Fait que, c'est sûr qu'un individu qui est haut dans la plainte, toi, tu es toujours pas correct. Les autres, c'est des pleins de marde. Lui, c'est pas un plein de marde parce que c'est les autres qui sont des pleins de marde. C'est pas de sa faute, c'est les autres qui sont des pleins de marde. Quand tu dis que tout le monde est fucké puis toi, il y a juste toi d'intelligent, tu n'es pas sur la bonne planète, tu devrais mourir. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Tu n'es pas à la bonne place, man. Change de place, change de job, change de femme, change de mari. Mais arrête de chialer! Non, j'ai ça, moi, c'est les consultants. Là, j'étais avec mon power pack, puis j'essaie tout de repartir. Puis c'est à la fin de la soirée, c'est ça part pas pareil! Change les glow plugs! Il y a de quoi à faire là, ça n'a pas d'allure. Fait que, moi, je vous le dis, tant que vous chialez, il n'y a personne qui peut vous aider, parce que vous êtes fermé. Pour intégrer, il faut être ouvert. Pour intégrer, il faut que tu vibres les choses. Puis qu'à un moment donné, là, tu dis, ouais, là, peut-être qu'aujourd'hui, j'avais pas tout fait, mais tu le fais. Quand j'ai vu l'affaire de sur Internet pour bâtir un site, j'ai dit, ouais, un projet, ça se fait parce que tu poses un geste. Ça commence toujours par un petit pas. J'ai même marqué sur mes tapis de souris. Puis ça, c'est un proverbe chinois qui disait, un grand voyage commence toujours par un petit pas. Je disais, on va commencer. Il faut débloquer ça. Qu'est-ce qui bloque ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai des obstacles? Pas des impossibilités. Moi, je peux être à me marier demain matin, mais je n'ai pas le goût de me marier avec des problèmes. J'ai le goût de me marier avec des solutions. Fait que je cherche à me marier tous les jours avec des solutions, pas avec une personne. Si la personne, c'est la solution, je vais me marier. Mais moi, c'est une solution. puis avant tout un événement. Là, avec l'événement, je vais faire quelque chose. Puis c'est sûr que si je prends quelque chose de l'événement, il faut que je redonne à l'événement. Je peux pas juste être taker dans la vie. Il faut que je sois giver aussi. Fait que je m'en vais dans un groupe, je m'en vais dans un contrat, je m'en vais dans n'importe quoi qui peut améliorer ma vie. Il faut premièrement que je reconnaisse que ça améliore ma vie et en deuxième que je pose un geste pour améliorer la vie de l'autre. Quand je m'en vais au centre de tir, moi là, puis que j'emmène des gens, des invités, je veux améliorer leur vie, mais il faut que je paye le centre de tir qui m'accueille pour me permettre de faire ça. Quand je m'en vais dans un restaurant pour faire une conférence, un consultant, il faut que les gens mangent. Sinon, il faut que je paye le restaurant pour rester plus longtemps qu'un dîner normal. Seulement, tu passes une heure dans un restaurant. Quand je m'en vais là, moi, je passe 6-7 heures. 6-7 heures. Pour que le restaurateur, il trouve son compte, il faut que j'y donne de la permanence, de la régularité, il faut que je me fasse chum avec. Il faut que j'y donne un avantage. Si je donne un avantage à la personne, à l'événement, au groupe, à la situation, il va m'en donner un. Puis s'il m'en donne pas un, c'est parce que je suis pas assez défini. C'est-à-dire que je décide pas de dire à l'autre, je veux ça. Faut que vous disiez, les gens sont pas là pour vous aimer. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui veut m'aimer. J'ai toujours trouvé du monde qui voulait profiter de ma personne. Corporellement, dans un temps X de ma vie. Et mentalement, dans une autre étape de ma vie. Parce que il y a eu une étape que c'était plus mon corps qu'on voulait que ma tête. Mais aujourd'hui, heureusement, ma tête est encore très fonctionnelle. Peut-être pas aussi agréable à regarder, mais en tout cas, très fonctionnelle. Et elle donne aux gens satisfaction. C'est ça la clé. Vous donnez satisfaction, les gens veulent vous revoir. Vous donnez pas satisfaction. On vous oublie, c'est pas trop long. Donc, c'est donnant-donnant. Intégrer, c'est donner et c'est recevoir. Mais c'est pas juste donner, parce que les spirituels, ils donnent beaucoup, mais ils reçoivent rien, ils définissent rien dans l'échange. Puis, les matérialistes, eux autres, ils prennent beaucoup, donc ils se définissent très, très définitivement vis-à-vis d'un certain type de contrat, et ils se fixent dedans, puis attendent que le monde vienne les chercher. Donc, eux autres, c'est des takers. Et la plupart des spirituels, les gens à tête heureuse, les philosophes, c'est des givers. Et pas des givers, oui, c'est ça, des donneurs, des givers, c'est ça. Fait que, il y en a un qui est donneur, l'autre c'est recevoir. Mais il faut que vous ayez intégré les deux. Quand il y a une intégration parfaite des deux mondes, il n'y a plus de problème. C'est les gens les plus neutres qui réussissent le mieux dans la vie. Et c'est les gens les plus polarisés qui ont le plus de déceptions dans la vie. J'étais pour dire un succès, manquer de succès, mais c'est parce que le succès est toujours mesuré par une performance financière ou sociale. Et je veux pas que vous tombiez dans la trappe qu'une personne intégrée est riche ou qu'une personne intégrée a beaucoup de reconnaissance. Ça n'a pas de rapport. C'est pas une affaire de collectif. C'est une affaire personnelle. C'est quelque chose de très, très individuel. Ce que je veux faire comprendre là-dedans, c'est que si vous avez une bonne évaluation de vous-même, moi, je fais des gestions de projet avec les gens des blocs de temps, puis je dis tout le temps, ton projet, il faut qu'il soit satisfaisant pour toi. Faut pas que ça soit mesuré par l'extérieur. Si tu fais mesurer le travail ou les actes que tu poses par ton environnement, même intime, tes enfants, le couple ou des amis, ils vont toujours te mettre en échec parce que fondamentalement, les êtres humains ne s'aiment pas entre eux. Ils profitent de l'autre. Et quand ils profitent de l'autre, ils disent qu'ils s'aiment. Mais c'est un profit que s'ils perdent ce profit-là, ils n'aimeront pas l'autre. Je connais pas de femme qui ne tire pas de profit d'un homme qui a le goût de rester dans la relation. Et je connais pas d'homme que s'ils ne tirent pas de profit d'une femme, ils vont rester dans la relation. Surtout l'homme. Donc, c'est toujours un profit que tu vas aller chercher. Donc, éliminez le mot amour de votre vocabulaire, puis regardez ça comme vouloir et échanger. Fait que tu veux quelque chose. Donc, ça, c'est pour toi, c'est la partie taker. Puis, la partie échange, qui est la partie où tu donnes. Si vous voyez un équilibre dans votre partie donneur versus votre partie échange, donc la partie receveur, là, à ce moment-là, vous avez une bonne définition de ce que c'est le succès. Vous êtes en état de succès quand ces deux zones-là sont parfaitement équilibrées. Mais s'il y a un déséquilibre, c'est parce que votre contrat est mal fait. Mal fait avec l'événement. Et moi, je considère les individus comme des événements. Fait qu'une personne se présente dans ma vie, elle est le facteur, elle est le postier, elle est l'élément qui va me mettre en contact avec un événement. Assis devant moi, il y a quelqu'un qui a un réseau. Moi, j'ai besoin d'un réseau pour prendre l'expansion. Il me présente son réseau, il me définit un contrat, j'accepte le contrat fait mon affaire, ça fait son affaire, il y a une possibilité que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il y a une certitude que ça fonctionne, il y a une possibilité. Les choses vont rondement, ça déménage, il se passe de quoi, on ajuste le contrat pour que ça soit toujours aussi bénéfique pour lui que pour moi, puis ça peut durer comme ça pendant 100 ans. Ça ne fonctionne pas, il y en a un qui cherche à tirer la couverte un petit peu trop fort, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de contrat qui se fait, et conséquemment, les deux tombent dans l'oubli. Moi, j'oublie lui, lui m'oublie, puis la vie est belle. Vous me suivez? C'est comme ça tout le temps. Donc, quand vous avez du karma à intégrer, commencez pas par le mot aimer, commencez par le mot échanger et vouloir. Pour échanger, il faut vouloir. Puis quand on veut, ça nous mène directement à l'échange. Pas d'échange, vous allez perdre. Ça, c'est certain. La personne qui fait juste tirer pour aller chercher un avantage va perdre l'autre, va perdre ce qui, dans l'événement, le nourrissait à un temps X donné. Tu peux demander à tes parents, mais à un moment donné, ton parent qui t'a beaucoup donné, si tu n'échanges pas avec, tu vas le perdre. Vous me suivez? Il n'y a pas d'enfant qui n'est pas capable de brûler ses parents. Puis il n'y a pas de parent que s'il demande continuellement à l'enfant une performance donnée, ne finira pas par perdre son enfant. Donc, c'est très important de comprendre que de l'intégration, c'est de la réalisation, mais qui doit passer par l'échange. Les gens, si vous perdez dans votre vie, vous avez un problème d'échange. Toute perte implique un problème d'échange. Vous avez tiré sa couverte un petit peu trop fort, à un moment donné, vous faites de la bourse, c'est du, ils disent, stocks exchange, en anglais, un marché d'échange de monnaie. Fait que vous voulez tirer trop sur un gain, là, ça vous a donné, je ne sais pas, 28 % de rendement, puis là, vous voulez avoir 30, puis là, à un moment donné, ça revire de bord, puis vous êtes obligé de fermer à 15 % de rendement. Mais vous n'auriez plus à avoir 28, mais vous avez, tu sais, vous avez brisé l'échange en exigeant, puis en exigeant, puis en exigeant, puis vous l'avez perdu. Tous les losers que j'ai connus ont brisé un contrat quelque part dans leur vie. Ils ont fucké l'échange. Fait que, c'est sûr que si vous avez des amis, vous êtes obligé de les connaître. Obligé de les connaître et obligé de suivre le développement. Ce que je veux dire, c'est que la vie m'a travaillé. La vie, avec l'intégration, elle m'a transformé. Moi, j'ai des amis que j'avais il y a 20 ans puis qui me regardent aujourd'hui, ils vont dire, t'es toujours Daniel Ménard? Ben ouais, c'est 1100, oui. Mais c'est en vie, je suis plus le même, là. J'ai d'autres choses, d'autres préoccupations. J'ai des structures événementielles qui ont changé. Fait que tu perds des amis dans ce temps-là parce que l'échange se fait plus. Ils rencontrent plus tes centres d'intérêt. Il faut encore l'amitié dans le sens de aimer. Il n'y a pas d'amour dans l'amitié, c'est le projet qui fait l'amitié. Vous me suivez? Fait que la dynamique des gens aujourd'hui, elle est toujours basée sur une mémoire. Puis vous intégrez pas parce que vous avez une mémoire de quelque chose. C'est le qu'est-ce que vous donnez de vie à un événement qui fait la capacité d'intégrer. Si un événement que vous étiez, moi, comme quand dans le temps que j'étais musicien, je jouais bien de la guitare, j'ai même fait un CD, puis je trouve ça pas payé. Franchement, c'est très bien. Mais c'est pas ma vie. Fait que quelqu'un peut pas dire que t'es musicien. Non, je suis pas musicien, j'ai goûté à ça, j'ai fait de la musique. Puis ça, c'est comme ça dans toute l'existence des gens, d'être la prolongation d'une limitation d'un des parents et puis de dépasser la programmation des parents. Et puis ça, c'est sûr que je pense, par exemple, à beaucoup de femmes que les mères étaient très limitées dans leur rapport avec l'homme, limitées dans le sens que l'homme était très dominant et qui, aujourd'hui, ces mêmes femmes-là, c'est des Amazones. C'est des battantes, comme on dit. C'est des personnes qui veulent pas se faire dominer par l'homme, qui veulent pas se faire dominer sous quelque forme que ce soit. Et qui ont décidé de s'affranchir de la domination de l'homme en ne mariant pas. Ils ont dit, moi, non, fuck all, je marierai pas un gars qui lève le ton. Je marierai pas encore moins un gars qui lève la main. Donc, dans l'évolution d'une destinée, vous avez à reconnaître qu'est-ce qui est une obligation dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Pas compliqué. Ce qui vous oblige dans l'existence, c'est ce qui vous fait vivre. C'est ce que vous fait vivre dans le sens économique, là, que vous tirez un salaire, que vous tirez quelque chose qui vous rend performant dans un échange. Ce qui vous fait vivre, c'est basé sur l'échange. Si vous êtes un être qui est carencé, qui a des problèmes dans l'échange, vous allez vivre de l'héritage de vos parents, mais vous vivrez pas. Parce que c'est pas vous autres qui allez le générer. Vous allez vivre d'un héritage. Moi, j'attends un héritage, puis je dis, fuck all, je suis pas pour attendre un héritage pour faire ma vie, moi, là, là. Hé! Faut que je sois capable de vivre, puis l'héritage, je n'en sais plus. Faut pas, tu sais, ah, ben, si j'ai un héritage, je vais faire ça. Tu vas être pris avec le karma de ta mère ou de ton père jusqu'à la fin de tes jours. Parce que c'est tout un héritage, là. C'est pas juste du cash, un héritage. C'est pas juste un magasin, puis un territoire, puis un ci, puis ça. C'est le mode de vie qui va avec. Tu veux-tu hériter du mode de vie? Si tu veux hériter du mode de vie, il faut que tu aies le feu qui va avec le mode de vie. Tout ça pour dire que quand une personne dit « c'est quoi mon destin? » Parce que tu sais, vous n'êtes pas tout astrologue, puis je m'attends pas à ce que vous le deveniez les prochaines semaines. Puis même si vous écouteriez toutes les CD que j'ai faites sur un cours d'astrologie, ça ne vous dira rien, parce qu'il faut être né pour être ça. Là, donc, c'est pas compliqué, votre destin. C'est premièrement, ceux qui écoutent ces CD-là, ces conférences-là, ils ont habituellement un petit peu plus que 25 ans. Donc, ils en ont vécu assez pour savoir qu'est-ce que dans la vie, ils ont à faire. Et puis, ils ont commencé à travailler, à structurer leur vie sentimentale avec des manques. Ils ont eu des manques d'argent, des manques d'affection, des manques de tout ce qu'on peut imaginer comme manque. Et puis, ils ont essayé de répondre à leurs manques en allant chercher des ressources, des accompagnements à l'extérieur. Puis, vous savez de quoi vous souffrez. Et dans ce que vous souffrez, vous avez les tensions et les tests, les obstacles qui vont avec votre dynamique karmique. Votre karma, c'est tout ce qui vous manque. Parce que tout ce que vous avez, vous n'en souffrez pas, hein? On souffre de ce qui nous manque, on ne souffre pas de ce qu'on a. Donc, ce qu'on a, c'est ce que vous avez intégré, qui est votre capital, qui est votre ressource fondamentale pour vous éclairer dans une problématique de crise. Dans une problématique de crise, à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis le plus gros des karmas, c'est les attitudes. Vous avez des attitudes. Oh, moi, si tu penses qu'un gars va me parler de même, madame, moi, la duchesse, non. C'est comme, vous établissez des conditions dans votre échange. Moi, je ne suis pas de même. Tu n'établis pas des conditions. Tu regardes si tu peux ou tu ne peux pas composer. C'est pas une affaire de jeter des sorts à du monde, lui faire du voodoo. T'sais, vous allez tout le temps avoir à répondre à des individus qui ont une maladie mentale vis-à-vis de vous autres. Fait que forcez-vous, mettez-les en plein la gueule. Donc, de l'intégration, c'est arriver à terme d'une problématique. C'est pas traîner un problème pendant 100 ans. Hein? Vous vivez avec du monde que vous connaissez pas. Vous connaissez pas le monde. Je vous le dis, là, vous connaissez pas le monde. J'ai dit à qui vous voulez bien l'entendre, commencez à regarder votre environnement comme des animaux. Après ça, dites-vous bien qu'il faut qu'ils fassent la preuve qu'ils sont humains. Humain, on s'attend à quelque chose. Un humain, on s'attend à quelque chose de plus qu'un animal. C'est que si vous avez une mauvaise lecture de votre destinée, vous allez toujours penser que vos problèmes viennent de l'extérieur. Si vous connaissez votre destinée, vous allez trouver normal d'avoir des problèmes de l'extérieur parce que vous êtes en syntonie avec le problème à l'extérieur. Un problème que vous avez dans la vie est toujours lié à une personne, est toujours lié à un événement. Tu gèles pas, t'as pas la grippe pour rien dans la vie. Il y a quelqu'un qui t'a passé le virus. Il y a quelqu'un qui t'a pogné à Tourista. Il y a quelqu'un qui t'a fait vivre de quoi? Il y a du monde, des fois, au pluriel, dans le sens que des groupes peuvent te faire vivre de quoi? Ça peut être une collectivité. Ça peut être une loi. C'est décidé par plusieurs personnes, une loi, qui peut vous créer des problèmes. Si vous avez des problèmes, exemple à caractère légal dans la vie, c'est toujours Saturne. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec la loi parce que j'ai cette fameuse quadrature Uranus-Saturne. Et puis, quand vous êtes sous l'effet d'un mouvement planétaire, si vous avez donné l'occasion d'avoir un bon astrologue dans votre vie ou que vous avez la patience d'étudier un petit peu, vous allez voir qu'il y a certaines structures planétaires dans votre thème astral que quand ils se répètent, là, c'est là que ça se passe, les problèmes. Il n'y a pas de hasard. Vous pouvez savoir 15 ans d'avance. Fait que c'est sûr que pour des gens autour de vous que vous pensez que vous êtes en amour avec, essayez d'étudier l'échange que vous avez pour savoir vraiment qu'est-ce qui échange. Parce qu'il n'y a pas rien d'évident. Les gens qui se mettent en échange avec vous le font pour un profit, je vous l'ai expliqué, mais ils le font aussi pour se développer. Fait que si vous êtes un agent de développement pour la personne vous dit « je vous aime », c'est pour le développement qu'elle a avec vous qu'elle vous aime. Vous dites à votre femme, à votre mari, « je t'aime », vous avez tout le temps un relationnel qui est basé sur le développement. Vous brisez ce développement-là, ou la personne a fini un développement X. Tu sais, à un moment donné, elle était bien émotive, puis là, à un moment donné, elle n'est plus émotive. Mais si elle n'est plus émotive, elle change ton contrat, man, là, parce que si ton contrat ne change pas, tu vas divorcer, là. Ça va être fini, ton affaire. Puis si vous ne comprenez pas ça, vous allez dire, « Ah, il est dur, mon destin. Il est dur parce que tu ne prends pas le temps d'intégrer. » Quand vous intégrez dans votre destinée, peu importe le niveau de difficulté, c'est toujours plus facile à vivre. C'est facile à vivre un destin intégré parce que vous allez au bout de qu'est-ce qu'on vous présente comme obstacle. On l'a dit tout à l'heure, quand ça va bien, c'est parce que c'est intégré. Quand ça va mal, qu'il y a des obstacles, c'est parce que vous n'avez pas intégré. Il y a des affaires qui se passent dans votre vie personnelle qui engendrent des événements à l'extérieur. Les événements que vous vivez, là, un accident, une étiquette, une perte d'emploi, c'est une conséquence. C'est pas le départ du problème. C'est une conséquence d'un problème qui n'a pas été réglé à sa source. Chris, allez pas me dire, j'ai des problèmes depuis que j'ai perdu ma job. Voyons donc. Moi, je creuse ça en consultation, puis ton problème, il vient pas de là. Il vient de ton rapport avec ta mère. Il vient de ton rapport avec ton père quand tu étais petit. Puis c'est pour ça que tu as un problème avec ta job. C'est pas à cause de ton mari, c'est pas à cause du boss. Le boss, lui, Chris, il est là pour te donner une paix. Il est pas supposé être là pour te faire de la misère. Fait que c'est bien évident que quand je vous parle comme ça, c'est pour vous faire comprendre que la perception qu'on se fait de l'obstacle, elle n'est pas approfondie à son origine. Elle est juste regardée à partir d'une conséquence. Vous ne la regardez pas à partir de son origine. Il y a toujours une origine avant d'avoir une conséquence. Pour identifier l'origine d'un problème, il faut que tu regardes l'état que tu vis vis-à-vis du problème, puis à quoi cet état-là correspond dans l'ensemble de ta vie. Mettons que j'ai eu un problème, moi, là, avec les structures légales. Bon, ben, à chaque fois que je fais face à la loi, plus je me neutralise par rapport à ça, moi, je suis, disons, on va dire, délinquant, parce que je suis délinquant juste quand je suis en situation de conflit d'autorité. Puis plus je règle ça avec ça, moins j'ai de problèmes avec la loi. Tu sais, exemple, je donne un exemple. Je referais de la moto si je serais capable de faire de la moto sans aller vite. Mais moi, embarquer sur une moto puis pas aller vite, c'est un non-sens. Fait que si je fais pas de compétition, puis l'entraînement pour la compétition, j'en ai fait, moi, pendant 7 ans, de la compétition de moto, là. C'est trop dur, j'ai plus la force pour faire ça. Ben, j'aime autant laisser la moto. Parce que, pour moi, faire de la moto, puis pas aller vite, faire de la moto, puis pas aller vite, pour moi, c'est un non-sens. Mais, tu es capable d'identifier l'origine parce que c'est un planète? Oui, parce que je connais mes planètes. C'est sûr, tu sais, je vais dire, bon, ben, je vis ce genre de conflit-là avec l'autorité. Mais c'est parce que moi, aller vite sur la route, j'ai pas de trouble avec ça. C'est la police. Ça à 1 000 piastres de ticket, là, j'ai pas les ressources pour ça. Là. Multimillionnaire, peut-être, j'essaierais. Là. Mais encore là, tu sais, fuck, ça arrête un moment donné, là, c'est bien beau aller vite. Il y a bien des façons d'aller vite. Tu sais, là, j'ai décidé de m'acheter un computer, un i7 2006, là, de dernière génération, là. Ça va aller aussi vite que mon bicycle, ça. Avant, là, pendant qu'il rouvrait, j'avais le temps de prendre 2 gorgées de café. Là, j'avais plus le temps. Là, tu ne prends pas de 2 gorgées de café, il va ouvrir instantanément. Il y a une autre façon de faire la vitesse. Tu sais, c'est transformer une problématique en solution. Moi, dans le fond, c'est pas vite, vite, pas vite. C'est toujours pas avoir de problème. C'est aussi intégré que ça ne te dérange plus. Quand quelque chose te dérange, puis dites-moi pas qu'il y a des erreurs. La vie, vous autres, ça ne vous dérange pas. Il y a toujours quelque chose qui vous dérange. Que si vous avez un problème avec le « ça me dérange », c'est parce que vous n'avez pas intégré une zone X de votre destinée, c'est tout. plus il y a de choses qui vous dérangent, dans le sens qui troublent votre sainte paix, bien, c'est parce que vous avez un problème d'intégration. Il y a des choses, il y a des éléments qui ne sont pas intégrés. Puis habituellement, quand on n'a pas intégré quelque chose, on a une mauvaise lecture. Ça, c'est un autre facteur, ça. On lit mal les événements. Puis là, c'est pas genre, je suis pas d'accord avec lui. Non, ça n'a pas de rapport avec ça. Une bonne lecture, c'est quelque chose que quand tu lis, tu es capable d'agir sans doute. Tu as une certitude. Quand tu as une certitude dans un mouvement, là, c'est pas. Ça ne réfère pas à ton environnement. Et un problème de lecture, en général, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord. Moi, j'ai plein de monde qui ne sont pas d'accord avec ce que je lui dis. Mais si moi je vibre une certitude quand je lui parle, c'est parce qu'il y a une conséquence de coller au fait de ne pas le faire. Fait que là, la personne s'ostine avec moi. En général, les gens s'ostinent en silence. C'est rare que j'ai vu du monde s'ostiner avec moi de vivo. L'intégration du karma, est-ce que tu peux dire que c'est justement de sortir de la prise en charge? C'est pas ça que j'ai dit, mais je l'ai bien expliqué tout à l'heure. L'intégration du karma, c'est quelque chose qui... C'est un réflexe au succès. C'est un réflexe à être bien. Quand tu es bien, là, c'est parce que tu as intégré. Quand tu n'es pas bien, c'est parce que tu n'as pas intégré dans un type X d'événement. Tu sais, il y a des types d'événements avec lesquels l'intégration est bien faite. T'es pas... OK, c'est ça. Mais c'est aller au bout de qu'est-ce qui est un obstacle potentiel. Question? Ben, du montage là-dessus. C'est ça, la lecture, puis c'est pas intégré. Ben, je l'ai expliqué à l'autre conférence d'avant. La lecture, si c'est pas agi, ça a zéro valeur. Zéro, zéro. Comprendre, ça vaut rien. Ça vaut rien comprendre. Tu as dit tantôt qu'il fallait regarder son état. Quand il rendait, tu regardes ton état. Oui, à quoi il réfère? Parce qu'un état, le problème que tu as, il est linké, il y a un lien avec toutes sortes de problèmes. Un problème, c'est juste l'émergence d'un état que tu as. Si moi, exemple, je suis pressé dans tout, là. Fait que dès qu'il apparaît du pressé, pressé que le computer s'éteigne, pressé de monter mes balles, pressé, peu importe la nature du pressé que j'ai, qui vient de la quadrature Uranus-Saturne dans ma carte, j'y vais apparaître un problème. Il va apparaître des problèmes avec du monde, il va apparaître des problèmes avec tout. Fait que un état est la représentation dans un événement de quelque chose qui t'est propre, donc qui est dans l'attitude que tu as de la vie en général. Les événements sont simplement les conséquences exprimées dans une forme de cet état-là. Moi, j'aime ça changer vite. Puis pour changer vite, j'ai compris qu'il fallait que je vibre plus que je pense. À ce stade, je ne donne plus aucune importance à la pensée. Avant, je donnais beaucoup d'importance à la pensée. Puis j'avais des projets. Puis là, à ce stade, je ne donne plus aucune importance à la pensée. Puis je m'occupe d'un projet, mais de le vibrer comme il faut.